Chapitre 11e, une tragicomédie. Lorsque le jeune duc de Valombreuse se présenta chez Célestine Marbot, elle était sous les armes. Il faut lui rendre cette justice, si sur les planches elle n'était qu'une cabotine des plus médiocres, chez elle, dans son boudoir, c'était une artiste incomparable. Elle résumait dans sa personne deux types célèbres de Balzac. Frère de Martineau, elle rappelait Esther, cette courtisane amoureuse, la petite fille en ligne directe de Manon Lescaut. Près d'Octave, elle devenait Madame Marneffe avec toutes ses scélératesses. Ce jour-là, Célestine s'était surpassée, car elle avait résolu d'attaquer sa pauvre dupe en faisant jouer toutes les cordes sensibles. Mieux que tout autre, elle savait pleurer, ce qui est un art plus difficile qu'on ne le suppose. Les yeux rougis, les larmes qui font grimacer la figure, elle laissait cela aux honnêtes femmes. Sa douleur à elle était une séduction de plus. Elle savait donner à ses traits cette expression poétiquement touchante que les grands peintres italiens prêtaient à leur Madeleine repentante. Elle pouvait à volonté imprimer à son corps souple ces affaissements désolés que dénote la prostration de l'âme. Ses longs cheveux noirs, qui étaient un des principaux attraits de cette dangereuse sirène, se répandaient comme des serpents irrités sur le marbre de ses épaules et quelques anneaux, rejetés en avant sur son front, lui faisait comme un voile de deuil. Elle avait pour vêtement un peignoir en mousseline. « Que vous est-il donc arrivé ?» s'écria le jeune duc stupéfait. Elle détourna vivement la tête sans répondre. « Au nom du ciel, parlez, je veux tout savoir » continua-t-il en lui prenant les mains pour la forcer à le regarder en face. Dans les grands yeux noirs de l'habile comédienne brillait, semblable à un diamant dans son écrin, une larme lumineuse, une larme d'autant plus charmante qu'elle était tombée d'une paupière à peine humide. « Laissez-moi, » fit-elle, « je suis mal disposée aujourd'hui. Je suis dans un de mes mauvais jours. Vous me cachez quelque chose que je veux connaître, » reprit Octave. Elle le regarda avec des yeux suppliants, comme pour le conjurer de ne pas insister. Devenu plus impérieux, à mesure qu'il voyait Célestine plus humble, le jeune duc haussa la voix et parla en maître. Cela lui arrivait si rarement qu'il savoura en ce moment, avec une sorte de volupté sauvage, sa prétendue domination. « Je vous ordonne de tout m'apprendre, » lui dit-il d'un ton bref. « Pourquoi gâter ce jour, qui sera peut-être le dernier de notre bonheur ?» murmura-t-elle lentement. Ces paroles, dont le sens était peu rassurant, ne firent qu'accroître la curiosité anxieuse d'Octave. « Que veux-tu dire ? » s'écria-t-il. « Notre bonheur serait-il en péril ? Voyons. » Quel secret renferme cette larme que tu n'as pu parvenir à me cacher ? Eh bien, oui, tu sauras tout, mon ami, poursuivit-elle, en donnant à sa voix une expression navrée. D'ailleurs, tôt ou tard, ne faudra-t-il pas en arriver à nous séparer ? Ne suis-je pas un trouble dans ton existence ? Ne t'es-tu pas ruiné pour moi et brouillé avec ta famille ? Quitte-moi, abandonne-moi. Avec le nom que tu portes, tu pourras facilement épouser une riche héritière et refaire ta vie. Le jeune duc demeura un moment comme pétrifié, puis, revenant à lui, « Te quitter, me séparer de toi ? Jamais, jamais ! Oh, mais je comprends, » ajouta-t-il, « c'est parce que je suis pauvre aujourd'hui que tu me chasses. »« Tu ne penses pas, tu ne crois pas cela, » reprit Célestine Marbot. « Tu sais bien que je t'aime, que je n'ai aimé que toi. Mais, avant de prendre conseil de son cœur, il faut écouter la voix de la raison. »« Et que dit la raison ?» balbutia Octave. Tu m'as entouré de tous les biens de ce monde. Tu m'as donné un hôtel, des chevaux, de riches parures, des diamants, et la carrière que j'ai embrassée me condamne à ne pas déchoir sous peine de voir mon avenir d'artiste compromis, perdu. Est-ce avec les misérables 200 francs que mon théâtre me donne par mois que je puis tenir ma maison, payer mes toilettes et mes costumes, mais c'est à peine s'il suffirait à solder les gages de mon cocher et de mon palefrenier? Octave était en proie à une émotion terrible. Il comprenait enfin que son rêve de bonheur, qu'il avait cru éternel, n'était qu'une bulle de savon qui allait s'évaporer. Toutefois, et comme l'homme qui se noie, il essayait de s'accrocher à une branche. « Pourquoi, dit-il, ne quitterais-tu pas le théâtre et ne vendrais-tu pas ton hôtel ? Nous irions vivre en province. »« Oui, l'éternelle bêtise, une chaumière et son cœur. Mais, mon chéri, si j'étais assez folle pour t'écouter, je ne te donnerai pas un mois pour me planter là. Jamais. Est-ce que je ne te connais pas ? continua Célestine en passant ses bras autour du cou du jeune duc. « Est-ce que je ne sais pas combien est grand ton orgueil ? Cette vie à deux te ferait horreur, elle te ferait honte. »« Honte ? Sans doute. »« Voudrais-tu donc qu'on dise de toi par le monde que tu vis aux dépens d'une créature pour laquelle tu t'es ruiné ?» Tout le sang d'Octave ne fit qu'un tour. « Tu as raison, » fit-il d'une voix sombre, « j'étais fou. Eh bien, puisque je ne possède plus rien, et qu'il faut que je me sépare de toi, soit. Je sais ce qu'il me reste à faire. » Il se dirigea vers la porte du boudoir. « Tu veux mourir ? Te tuer ?» s'écria l'actrice en courant à lui. « Mais je t'aime, et je ne veux pas que tu meures, mon Octave. »« Rien, plus rien, » murmura-t-il. « Oh, l'argent, la misérable chose que l'argent !» Et frappant comme un fou sur le marbre de la cheminée, il reprit entre ses dents. « De l'argent. Où trouver de l'argent ?»« Attends, il me vient une idée, mon pauvre chéri, » dit d'un ton caressant Célestine Marbeau, qui l'avait rejoint. « Tu es bien heureuse, » répondit-il. « Depuis un quart d'heure, j'ai le cerveau complètement vide. » Une personne amie, à laquelle j'ai fait confidence de mes chagrins, m'a affirmé que les jeunes gens de ton monde ne sont jamais ruinés. « Comment cela ?» interrompit Octave avec incrédulité. « Parce qu'il existe des gens qui, sur un nom comme celui que tu portes, prêteraient volontiers 200 et même 300 000 francs. » Le jeune duc devint pourpre et pâlit tour à tour. « Ces gens-là, répliqua-t-il, car il en existe, sont d'infâmes coquins. Le prêteur dont je te parle est un honnête homme. Il ne te prendrait que l'intérêt légal. C'est bien assez d'avoir dévoré ma fortune. Jamais, non, jamais. » « Je ne serai assez misérable pour dépouiller ma mère et mes sœurs, » répondit le jeune duc avec indignation. « C'est un sentiment que j'approuve et qui ne m'étonne point de ta part, » dit Célestine Marbeau. « Mais les beaux sentiments ne font pas bouillir la marmite. Adieu donc et pense à moi quelquefois. Moi, je ne l'oublierai jamais. » Pris entre deux feux, Octave demeura pensif pendant quelques minutes. Un combat violent entre sa folle passion et le devoir se livrait dans son âme. L'actrice l'observait attentivement et en silence. Elle suivait froidement toutes les phases de cette lutte épouvantable, bien certaine que la victoire lui resterait. La victoire lui resta. Les liaisons comme celle d'Octave avec une Célestine Marbeau ont le triste privilège de ruiner la bourse et de pervertir le cœur. Le fils de la duchesse de Vallombreuse, le dernier représentant d'une race ancienne, en était arrivé, de chute en chute, avoir perdu la dignité de ce que lui commandait son nom et avec elle tout sens moral. « Trouve-moi un de ces gens dont tu viens de me parler, » dit-il à l'actrice, « et nous verrons. »« Aujourd'hui même, je vais me mettre en campagne, » répondit Célestine, « et j'espère t'apprendre demain que la chose a réussi. »« Soit, à demain, » répliqua le jeune duc, et il sortit à moitié fou de l'hôtel de la rue de Courcelles. À peine se fut-il éloigné que Célestine partit d'un éclat de rire. « L'imbécile. Vrai, c'est à rougir de ma victoire, elle a été trop facile. » La scène que nous venons de raconter, et qui n'est que la reproduction affaiblie de ces mille et une comédies qui se jouent tous les jours dans le monde interlope, avait eu un témoin invisible. Blotti derrière la porte du boudoir de Célestine Marbeau, Asie, sa femme de chambre, avait tout entendu. Tant qu'il ne s'était agi que de la ruine de jeune duc, Asie s'était contenue. Mais, devant le désastre qui menaçait Madame de Vallombreuse et ses deux filles, son indignation, jusqu'à ce jour comprimée, éclata. Sous un prétexte quelconque, elle quitta la rue de Courcelles et se rendit en toute hâte chez la duchesse. « Qui dois-je annoncer ?» lui dit un valet. « Mademoiselle Aspasie, » répondit-elle, « drôle de nom, » mâchonna entre ses dents le domestique pendant qu'il allait prévenir sa maîtresse. Quelques minutes après, Asie était introduite auprès de Madame de Vallombreuse. Madame de Vallombreuse était assise dans un grand fauteuil et tenait un livre à la main. « Vous avez demandé à me parler, mademoiselle ? » dit-il en regardant Asie. « Mais d'abord, qui êtes-vous ? Car votre nom m'est inconnu. »« Si vous ne connaissez pas mon nom, Madame la Duchesse, » répondit Asie, « vous devez connaître celui de ma maîtresse. Je suis la femme de chambre de Mademoiselle Célestine Marbeau. » Madame de Vallombreuse, au nom de Célestine Marbeau, se dressa vivement, comme si elle avait reçu un coup en pleine poitrine, et ses sourcils se contractèrent. « Que venez-vous faire chez moi ? » demanda-t-elle à Asie, en la regardant de haut en bas avec un suprême dédain. « Je viens chez vous, madame, pour vous rendre un service, » répliqua la jeune fille, sans se laisser intimider par le regard hautain de la grande dame. « Service à moi !» fit la duchesse avec un sourire dans lequel éclatait tout son orgueil offensé. « Les petits, quelquefois, peuvent être utiles aux grands, » dit Asie, en baissant modestement les yeux. « Voyons, quel est le service ? Un malheur terrible vous menace, madame la duchesse, et c'est pour l'empêcher que je suis ici. » Et elle raconta, dans ses moindres détails, avec une indignation éloquente, l'ignoble comédie que Célestine Marbot avait jouée auprès d'Octave pour accomplir sa ruine, et la comédie nouvelle qu'elle préparait afin de la ruiner elle et ses deux filles. Et à mesure qu'elle parlait, les défiances qu'avait conçues d'abord madame de Valombreuse s'étaient peu à peu dissipées. « Votre fils est ruiné, madame la duchesse, » dit Asie en terminant, « et si vous n'y prenez garde, votre ruine suivra de près la sienne. Voilà ce que je voulais et que je regardais comme un devoir de vous apprendre. Maintenant, je me retire. » La duchesse sortit de son portefeuille un billet de 1 000 francs et le présentant à la jeune fille, « Prenez ceci, mademoiselle, et c'est moi qui suis encore votre obligée. » « Madame, » répondit Asie d'une voix douce, « je suis venu chez vous pour vous donner un avertissement utile et non pour vous le vendre. Gardez cet argent, je n'en veux pas. » Madame de Valombreuse sentit le rouge lui monter au visage. Elle comprit qu'elle avait, sans le vouloir, humilié la généreuse enfant qui, n'écoutant que sa conscience et au risque de perdre sa place, lui avait dénoncé les nouveaux et abominables projets de Célestine Marbot. Elle se hâta de réparer sa faute, étendant la main à Asie. « Vous êtes une brave fille, » lui dit-elle. Le visage d'Asie se colora à son tour, mais cette rougeur venait de la joie qu'elle ressentait de se voir enfin comprise. Elle appuya ses lèvres sur la belle main que lui tendait la duchesse, puis elle s'inclina respectueusement et se retira. Lorsque madame de Valombreuse fut seule, elle demeura pensive pendant quelques instants. Elle alla ensuite à son secrétaire et elle écrivit les 2 billets suivants. « Mon cher Lacarrière, je ne sortirai pas de moi et je vous attends. Il s'agit de choses très graves et d'un grand parti à prendre sur le champ. » Duchesse de Valombreuse. Mon cher Amaury, quittez aujourd'hui même l'Amérique et accourez auprès de nous. Vous seul pouvez nous sauver s'il n'est pas trop tard. Maria de Valombreuse. Elle mit les 2 billets sous enveloppe et frappa sur un timbre. Portez cette lettre chez Monsieur Lacarrière et cette dépêche au bureau télégraphique, dit-elle au domestique qui venait d'entrer.